هَذَا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُو النَّارِ. Voici un groupe qui entre précipitamment en même temps que vous. Nul bienvenu à eux. Ils vont brûler dans le feu. Ils dirent : pas de bienvenue pour vous, plutôt. C'est vous qui avez préparé cela pour nous. Quel mauvais lieu de séjour. Ils dirent : Seigneur, celui qui nous a préparé cela, ajoute-lui un double châtiment dans le feu. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. Ils dirent : pourquoi ne voyons-nous pas des gens que nous comptions parmi les malfaiteurs ? أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. Est-ce que nous les avons raillés à tort ? Où échappe-t-il à nos regards ? Telles sont en vérité les querelles des gens du feu. Dis : je ne suis qu'un avertisseur, point de divinité à part Allah, l'unique, le dominateur suprême. Seigneur des cieux et de la terre, et de ce qui existe entre eux, le puissant, le grand pardonneur. Dis : ceci, le Coran, est une grande nouvelle. Mais vous vous en détournez. Je n'avais aucune connaissance de la cohorte sublime au moment où elle disputait. إِنْ يُوحَى إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ. Il m'est seulement révélé que je suis un avertisseur clair. إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ. Quand ton Seigneur dit aux anges : je vais créer d'argile un être humain. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Quand je l'aurai bien formé et lui aurai insufflé de mon esprit, jetez-vous devant lui prosterné. Alors tous les anges se prosternèrent. À l'exception d'Iblis, qui s'enfla d'orgueil et fut du nombre des infidèles. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين. Allah lui dit : ô Iblis, qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes mains ? T'enfles-tu d'orgueil ou te considères-tu parmi les hauts placés ? قال أنا خير منه خَلَقْتَنِي مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ. Je suis meilleur que lui, dit Iblis. Tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. قَالَ فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ. Allah dit, sors d'ici, te voilà banni. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. Et sur toi sera ma malédiction jusqu'au jour de la rétribution. قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Seigneur, dit Iblis, donne-moi donc un délai jusqu'au jour où ils seront ressuscités. قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ. Allah dit, tu es de ceux à qui un délai est accordé. إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ. Jusqu'au jour de l'instant bien connu. قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. Par ta puissance, dit Satan, je les séduirai assurément tous. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. Sauf tes serviteurs élus parmi eux. قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ. Allah dit, en vérité, et c'est la vérité que je dis, لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ. J'emplirai certainement l'enfer de toi et de tous ceux d'entre eux qui te suivront. قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ. Dis, pour cela je ne vous demande aucun salaire et je ne suis pas un imposteur. إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. Ceci, le Coran, n'est qu'un rappel à l'univers. Et certainement, vous en aurez des nouvelles bientôt.